matin, je suis partie pour faire le tour de mon pays. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire jusqu'qui commence, jusqu'qui finit? J'ai retrouvé une musique qui coule encore dans le sang de tous les Français d'Amérique. De la Louisiane en Acadie, de chez Ducan à Tracadie. J'ai voyagé loin dans l'espace jusqu'à dans d'autres galaxies. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire comment retrouver mon pays? De la Louisiane en Acadie, de chez Ducan à Tracadie.